de ces glorieux shuhada qui sont sacrifiés ou se sont sacrifiés pour ce pays et nous donner le respect et la dignité. Malheureusement, ce système illégitime, ce système oppressif, il a confisqué tous les droits du peuple algérien et ça, ça doit arrêter par des moyens, bien sûr, pacifiques. On ne veut pas retourner au sang et à la destinée noire et autre chose. Il y a des moyens. Nous, nous sommes là comme congrès pour le changement démocratique, ouvert toutes les portes à tous ceux qui sont intéressés et qui veulent nous joindre pour construire ce pays, pour changer le climat politique, pour remoderniser le climat politique, pour créer une balance de force entre ce pouvoir et la force majeure, bien sûr, la force populaire. J'espère que c'est un message qui a été transmis. Voilà. Excuse-moi, Asmahli, juste haka, vite fait. Juste parce que je voulais rappeler, juste pour les auditeurs qui nous entendent, Bli, c'est-à-dire Ntaïa Hafid, tu es le neveu yak, de Shahid. Oui, tout à fait, je suis de la famille Ben Hidi. Et comment, je voulais juste savoir justement, comment les autorités, elles ont, est-ce qu'elles ont contacté la famille ou là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Yani, je ne veux pas être indiscret, mais juste haka, bach nchouf bark, yani. Je suis désolé, est-ce que je peux éteindre la radio pour que je puisse parler directement sur Skype, c'est ça? On a le retour, ouais, c'est vrai, il y a un retour, je l'entends. Est-ce que c'est bon maintenant? Ouais, là c'est... très bien. Mazel, je m'entends, mazel. Non, mais j'ai déjà coupé la radio, donc je là, suis en train de parler mieux avec toi directement sur le Skype. Exact, là c'est bon, c'est bon. Très bien. Alors, la question, s'il vous plaît, mon frère Samir. Je voulais juste dire, yani, qui fait, yani, الدولة الجزائرية ولا النظام ولا الحكومة ولا كيف داروا يعني مع العائلة بالنسبة للشهيد العربي بن مهدي الله يرحمه؟ والله مع ذكرى اغتياله. نعم نعم، أنا فهمت سؤالك الآن أخي سمير، وأريد أن أبين، وهذا من خلال طبعا ما كتبته أخيرا على صفحتي في هذا اليومين. طبعا هناك مسؤول أو يعني الناطقة الرسمية لعائلة بن مهدي اللي وهي الجدة الضريفة الله يطول في عمرها، فنحن طبعا نتأسف، ليس نتأسف، لأن نحن نعرف أن هذا النظام نظام عميل، نظام لا شرعي، نظام خبيث، نظام يعمل على طبعا العصابة الحاكمة، وليس النظام كله، العصابة الحاكمة في الجزائر تعمل بكل ترسانتها على القضاء على ما تركه لنا الشهداء، وأخص بالذكر طبعا الشهيد البطل العربي بن مهدي. وأنا متحقق أنك زرت صفحتي وقد كتبت فمنذ البارح أن الجزائر أصبحت جزائر الخونة والشياطين والانتهازيين، وهذا طبعا يعني بتوجيه الأنظار إلى أمور تافهة بدلا من أن الإعلام و هذا العصابة الحاكمة تخلد استشهاد هذا الشهد، يعني هذا البطل الرمز الذي يعني مد للجزائر كل شيء حتى حياته، وهذا ما يعني أريد أن أقوله من خلال ما ذكرته لي الجدة فاطمة الزهراء الله يطول في عمرها، يعني كانت زوجة الشهيد الجزائر وأم الشهيد الجزائر وأولاد الشهيد الجزائر، يعني كل شيء عنده كان الجزائر، والكل يعرف ذلك. و يعني ما قالته الجدة أخيرا، قالت بكت أخت الشهيد دريفة بمهيدي بمرارة قائلة: كم أشعر بالخيبة وأنا أرى الجزائر بين أيادي الخونة. فهذا لا أحسن قول، إنها الممثلة الرسمية والناطقة الرسمية لعائلتنا، لعائلة الشهيد، وهذا جواب كافي أو رد كافي لهؤلاء العصابة الحاكمة في في في في في جزائر الثورة، في جزائر الشهداء، في جزائر المليون ونصف مليون شهيد. Très bien, très bien. Bravo. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté tout le monde et c'est respectable. Juste, puisque j'étais à cas, je voulais juste profiter pour dire aux auditeurs, Billy, les gens ils peuvent appeler s'ils veulent participer. Khoya Saïd, si on peut rester à cas, on peut discuter. S'il y a des gens qui veulent intervenir, marhaba bihom, ils vont intervenir. S'ils veulent poser des questions ou là nous dire ce qu'ils pensent, nous, c'est ce qu'on avait dit, l'émission, j'ai mal introduit mon émission, j'ai coupé le son et tout, j'ai pas appuyé sur les bons boutons, mais je voulais dire que le sujet, c'était la situation politique et la situation des droits de l'homme en Algérie. Nous assistons un peu à ce qui se passe sur le terrain, à ce qui se passe le bled, et on voulait écouter un peu le point de vue des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils ont des solutions, est-ce qu'ils sont solidaires ou là, et puis si on a des informations, ça serait bien. Ça serait bien si on a des militants du CCD, parce que il y a beaucoup de, par exemple, je sais pas, yani s'ils m'entendent et s'ils peuvent intervenir, le maître Ahmine ou là, parce que c'est juste pour demander des informations sur toutes les affaires de droits de l'homme, en fait. Par exemple, Khansha et ses compagnons qui ont été arrêtés d'une manière arbitraire et condamnés, et puis les autres jeunes, et puis ceux de Ain Salah, etc. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir à ce propos, marhaba bihom, il suffit d'appeler sur Skype, CCD Live, tout attaché, vous pouvez appeler, on vous passera directement, on va essayer, s'il y a beaucoup d'appels, on va essayer d'être court, sinon, l'occasion pour nous de commenter un peu la situation, Khoya Saïd, juste à propos de la politique, parce que tu viens de rappeler, pour moi c'est très important, c'est très important à l'air, parce que, en fait, le problème, il est politique, à la base, il est politique. Et du coup, si la crise politique, si le problème politique il continue, comment on peut régler d'autres problèmes, en fait? Comment on peut régler les problèmes de la société, ou la santé, ou l'éducation, ou tout le reste, tant que le politique il pose problème? Je ne sais pas ce que tu en penses, Interroya, sur la crise politique, nous on l'appelle comme ça. الجزائر الآن وصلت إلى قمة الأزمة، وأفضل أن أقول الأزمات وليس الأزمة، لكن إذا رجعنا إلى المنطق والموضوعي، يعني طبعا الأزمة السياسية هي الكارثة الكبرى في الجزائر، ويعني حوصل لما قلته من قبل ولما أقوله الآن، يعني الجزائر أصبحت الآن دولة بلا شعب وشعب بلا دولة، وكون مؤسسات الدولة سادها الوباء. وأذكر أخص بالذكر المؤسسة العسكرية، لأنها الآن أصبحت تتمزق من الجنوب إلى الشمال، وهذا طبعا لأغراض سياسية كما قلت، لأغراض، لمصالح سواء داخلية أو خارجية أو الاثنين، من طرف أشخاص لا ينتمون إلى الشعب الجزائري ولا يمثلون الشعب الجزائري ولا هم جزائريين الأصل، وأنا أقولها بكل صراحة وبدون يعني دوران ولف. فأنا أتكلم من باب المعلومات ومن باب ما أعرفه عن التاريخ الجزائري وعن هؤلاء الناس الذين يحكمون الآن الجزائر، من أعطى لهم هذه المصداقية؟ الدستور يقول المادة 6 والمادة 7 السلطة للشعب، وقد تكلمت عليها في في في في صفحتي، وقد نشرت على صفحات مؤتمر تغيير الديمقراطي إلي كوتيديان دالجيري. فلابد على الشعب الجزائري أن يأخذ بجدية مستقبله ويلتف حول نخبته، لأنه هذه العصابة الحاكمة تعمل بكل ترتانتها لكسر الجسر بين النخبة وشعبها. وإذا وصلت إلى وحققت هذا الانتصار فيعني السلام عليكم. خويا سعيد جو بونس كون ا كابتي اوسي دخل معنا دكتور معيز. Je vois, oui. Donc, si vous voulez lui passer l'autre... On essaie de voir s'il nous entend. Je ne sais pas s'il nous entend. Docteur Maïz. Oui, monsieur Al-Khair. Ah, merhaba bik. Monsieur Al-Khair, docteur Maïz, comment vas-tu? Merhaba bik. C'est un plaisir de vous entendre sur la radio. Donc, c'est à vous de nous aider à voir. Entre-temps, je vais essayer de publier sur ma page que nous sommes en direct sur le CCD là. Que le radio live, si vous voulez appeler. C'est des lives sur Skype, exactement. C'est des lives sur Skype. Je vais la publier sur ma page. Très bien, frère. Merhaba bik, docteur Maïz, merci beaucoup de nous avoir rejoint. Merci à vous pour cette invitation. Je disais tout à l'heure que le sujet, en gros, c'est-à-dire en généralisme, mais on peut aller dans le détail. La crise politique, la situation politique en Algérie. Moi, j'allais dire la situation sur la scène politique algérienne, mais je mets le mot scène politique entre guillemets. Peut-être qu'il faut qu'on comprenne ce qui se passe politiquement en Algérie, ça c'est important. Ensuite, le sujet des droits de l'homme. Je pense qu'il y a de la répression ces derniers temps. Ça serait l'occasion d'évoquer certains cas et de rappeler aux auditeurs ce qui se passe sur ce plan. Oui, effectivement, comme je viens de l'entendre, Saïd l'a aussi bien exprimé, la crise est éminemment politique et elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est vrai que les choses se sont exacerbées depuis quelques années, ça c'est vrai, mais la crise en elle-même, elle a débuté en 62 et avant même 62, il y a une crise de légitimité. Il y a un pouvoir qui s'est accaparé, enfin, il y a un régime qui s'est accaparé le pouvoir en Algérie. Et que depuis pratiquement l'indépendance, il n'a pas lâché les rênes, il n'a pas donné la chance au peuple algérien de s'émanciper et d'avoir sa liberté après la libération, bien sûr, du pays. Donc la crise, je ne dis pas une crise politique, il y a un problème politique. Pourquoi je ne dis pas qu'il y a une crise politique ? Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, le pouvoir, quand il sort à l'extérieur, il a un discours qui est cohérent pour lui-même. Il est cohérent dans le fait où il dit « nous avons un État, nous avons un président, nous avons un Sénat, nous avons des institutions qui sont en marche, une justice qui fait son travail, plus ou moins. Hein, » Mais il a de quoi passer le message à l'extérieur. Donc, le problème qui réside réellement, c'est que en face de ce pouvoir illégitime, corrompu, et on peut dire tout ce qu'on veut, en face de ce pouvoir, il n'y a rien. Il y a des partis politiques qui sont inféodés au pouvoir. Il y a des syndicats qui sont inféodés au pouvoir. Il y a des associations qui sont inféodées au pouvoir. Donc l'intelligence de ce pouvoir, qui est une intelligence maléfique, elle a été quoi ? C'est d'avoir un pied dans le pouvoir et un pied dans l'opposition. Là où tu vas, tu le trouves, ce pouvoir. Que ce soit juste dans le pouvoir lui-même, dans les clans, dans le système, ou bien dans les institutions. La preuve, Sidi Saïd, Sidhoum Saïd, avec tout le respect que j'ai à notre ami Salah Din Sidhoum, c'est juste une anecdote. Sidi Saïd l'a bien dit. Nous sommes le syndicat du pouvoir. Depuis quand ? Depuis qu'existent les syndicats, depuis quand il y a un syndicat du pouvoir ? Mais chez nous, il y a un syndicat du pouvoir. Pour une raison toute simple. Parce que Sidi Saïd fait partie justement de cette mafia de corrompus, de corrupteurs qui a gangréné le pays et qui ne sont pas prêts de lâcher. Ils ne sont pas prêts de lâcher d'une manière démocratique. Il ne faut surtout pas croire que le changement va arriver avec des élections, quelles qu'elles soient. Présidentielle, législative ou autre. Ce pouvoir ne lâchera jamais le pouvoir d'une manière démocratique. Seul un véritable rapport de force, et je dis bien rapport de force pacifique, c'est-à-dire que les Algériens arrivent à un moment donné, non pas de prendre conscience, parce que la prise de conscience, elle existe, mais d'élever ce niveau de conscience pour arriver d'une prise de conscience à justement à mettre cette prise de conscience sur le terrain du militantisme, sur le terrain de l'action, pour justement changer ce rapport de force qui doit changer. C'est la seule façon de changer le régime. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, merci beaucoup. Docteur Maïs, juste avec, ça dit, j'y pense en entendant ça. On a vu le régime algérien, si, corrigez-moi Yanni si je me trompe, Raouti. Le régime algérien, il a quand même entendu le message, on va dire, de ce qui se passe dans la région depuis 2011, puisque on a vu que depuis 2011, on parle énormément du changement. Jusqu'en 2011, Anaï, je me souviens, il y avait des gens qui parlent de changement, etc., mais ils n'étaient pas sur la scène médiatique, il n'occupait pas le terrain, le sujet n'était pas celui-là et tout. Mais depuis 2011, on parle énormément de changements. Il y a des partis politiques qui demandent le changement. Il y a des initiatives telles qu'ils le disent dans les médias et tout, des initiatives intelles, initiatives intelles. Et qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est les choses sont en train de changer? Il y a un jeu politique, il y a des gens qui essaient de changer les choses. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? C'est vrai que depuis 2011, depuis ce fameux printemps arabe, on parle enfin, le pouvoir lui-même parle de changement. Mais ça, ce n'est qu'une ruse. Le pouvoir donne l'illusion du changement. Il ne veut pas aller vers le changement parce que le changement, pour lui, c'est aller vers l'inconnu. Et ça, il ne voudra jamais aller vers l'inconnu. C'est un pouvoir qui a toujours su préparer les événements, parfois même les provoquer et pour les gérer à sa manière. Donc c'est un changement qui est géré à sa manière. Un exemple, on parle d'un pôle de l'opposition qui est représenté par la CNLTD qui demande le changement du pouvoir. Mais c'est bien, dans le discours c'est bien, on parle du changement. Et comment voulez-vous que ces partis politiques parlent de changement alors qu'ils sont une partie prenante de ce système? Ils sont une partie prenante de la stabilité et de l'image que donne ce pouvoir à l'extérieur. Pour une raison toute simple, ce sont des partis qui participent aux assemblées communales, ils participent aux assemblées du wilaya, ils participent au Sénat, ils participent à l'Assemblée nationale. Ils participent à toutes les institutions qui sont en train de dénoncer et qu'ils veulent changer. La meilleure façon, si réellement le discours est crédible pour ces gens-là, qu'ils se retirent d'abord de ces institutions qu'ils dénoncent. Et c'est ces mêmes institutions qui donnent l'image de marque de ce pays, l'image de stabilité. Quand vous parlez avec des gens de l'extérieur, ils vous disent « mais vous êtes un pays stable, vous avez toutes les institutions représentatives, élus, pour eux ils sont élus ». Et ces partis politiques de la CNRTD, y compris les chefs du gouvernement qui sont succédés à la tête des gouvernements et qui n'ont rien pu faire quand ils étaient, maintenant ils peuvent faire quelque chose. Non, je crois que il y a quelque part, une façon de faire de la part de ces partis politiques qui est malsaine. On est en train de leurrer le peuple, on est en train de mentir au peuple pour retarder le changement, parce que ces gens-là ne veulent le changement que dans le cas où ils participent à ce pouvoir. Ils veulent une participation au sein du pouvoir. Voilà comment ils voient le changement. Et puis, si je peux me permettre de rajouter une chose en fait qui est liée à l'hirak hadsiyas il ran chouffoufé, c'est que le peuple ne participe pas à tout ça en fait. On a vu que parce qu'il ne croit pas à tout ça. Et du coup, changement sans le peuple, je ne sais pas de quel changement il s'agit en fait. Le peuple, on l'a tellement trompé, on lui a tellement menti qu'il ne croit plus en personne. Et c'est là le drame de l'Algérie et de l'Algérien. C'est que même si vous venez avec quelque chose de crédible, quelque chose qui puisse tenir la route, ben il va falloir du temps et beaucoup de temps pour convaincre ces gens-là, parce que khlas, khadoum. Alors imaginez que ces partis politiques qui sont, je ne sais pas moi, une vingtaine avec des chefs du gouvernement, dans un chef du gouvernement, des personnalités, qui ne réagissent que quand il y a un intérêt. Aujourd'hui, le peuple algérien souffre le martyr, la pomme de terre, au sac de 120 dinars. Le couffin, tu as dit, 3000 dinars. Où sont les partis politiques qui sont censés représenter le peuple algérien? Où c'est qu'on les a vus s'intéresser à ce que vit le peuple algérien? Comment voulez-vous qu'ils parlent de changement? Ils parlent de changement, mais dans le cadre du système, pour avoir une partie du pouvoir. Donc, ce sont des gens qui veulent le changement dans le système pour le partage du pouvoir. Voilà ce qui différencie du CCD qui, lui, parle du changement en dehors du système. Le système doit, d'une manière définitive, sortir de la marche et de la gestion de ce pays parce qu'il a tant fait, tant de mal, tant menti, tant assassiné, tant corrompu, tant de choses. La preuve, aujourd'hui, nous parlons le sujet le plus... c'est les droits de l'homme et ce qui se passe à Ain Salah. C'est criminel ce qui se passe à Ain Salah. Nous sommes partis là-bas, et nous avons vu les gens, nous avons discuté avec eux. C'est des gens qui ne demandent rien. Ils ne demandent même pas leur part du développement. Pendant 50 ans, on a pompé le pétrole, ou le gaz, on n'a pas eu notre part de développement. Lyon, parce que le pétrole est éclaté, on a oublié le gaz sacré, c'est pour le développement du jeu. Il dit qu'il n'y a pas besoin de la part du développement. Il n'y a pas besoin de la part du développement. Il n'y a pas besoin de la part du développement. Vous voyez jusqu'où ils sont allés. Ne plus revendiquer même leur part de développement. خلونا برك ما تمرضوناش. فرنسا مرضتنا بلي زيسي شيميك وبلي بومب اتوميك. خلونا على الاقل نتوما ما تزيدوش تمرضونا بور انتوكسيكي لار لا بوليسيون اي لا ناب البيان فرياتيك. Voilà jusqu'où les gens sont allés. Et on a vu aussi que ça dit, ils n'ont pas l'intention de faire marche arrière, les autorités, par rapport au gaz de schiste. Ça relève un peu de l'entêtement un peu bizarre. Et on a vu aussi qu'ils ont été un peu les matraqués, en fait, et ils ont embarqué beaucoup de gens, ils ont arrêté des gens et tout. Voilà, ça dit, les autorités, on voit de quoi ils sont capables. Enfin, c'est pas qu'on voit de quoi ils sont capables. Ils l'ont toujours été, ils ont toujours agi de cette façon-là. Même depuis 62, le régime pratiquement a toujours agi de cette façon-là, allant même jusqu'à des assassinats. Et ils sont légions, les assassinats politiques, les assassinats de militants et tout ça. Et cette façon de gérer un problème par le bâton et la répression, c'est le fort de ce régime. Et c'est justement là où nous disons aux citoyens algériens, attention de ne pas tomber dans le piège des années 90. Le pouvoir fera tout, le système fera tout pour essayer de nous ramener à cette époque, à cette période, parce que c'est la seule façon pour lui, c'est la seule arme qu'il maîtrise, et c'est celle justement de la répression. Voilà. Donc, s'il y a un changement à faire, il faut dire aux Algériens, le changement ne va pas se faire dans les mois qui vont venir. Ça, c'est certain. C'est vrai qu'on dit que le système est en fin de cycle. S'il l'est, ce cycle-là, il va encore durer un peu, parce que tant qu'il a encore les moyens, tant qu'il peut encore donner des marchés à droite et à gauche aux nations étrangères, donc il est soutenu par l'extérieur, il est soutenu par les mafias qui gèrent notre économie et qui profitent des prébendes et des retombées des richesses du peuple algérien. Tant qu'il a toute cette faune qui autour de lui, le système a encore quelques années devant lui. C'est pour ça que le peuple algérien doit d'abord réfléchir, ne plus réfléchir au changement, mais penser comment réagir, comment agir, comment militer, comment aller sur le terrain pour créer ce rapport de force qui amènera certainement le pouvoir à lâcher du lest et à un moment donné à partir. Donc, allô? Docteur Maïs, tu m'entends? Allô? Là, tu m'entends, Khoya? Je crois qu'il y a... Il y a un retour, effectivement. On a l'Orte Amel qui est rentré avec nous dans la discussion. Oui. Mais c'est peut-être y a un problème de micro, peut-être. La radio. Ah, il faut couper la radio, effectivement. Il faut rester juste sur Skype. إذا كان ممكن زيادة على ما قاله الدكتور معيس في إطار الأخت أمال تصليح الميكرو. أخي سمير، الشعب الجزائري أصبح غير مهتم أمام الأوضاع السياسية الحالية، وقد صار بعيدا عن السياسة والسياسيين طبعا، ليس لأنه غير مهتم بها، بل لأنه فهم أن اللعب مغلق، وأن اللعبة بين أي عصابة غير شرعية في الجزائر، وأنا أقولها وأرددها غير شرعية، تعمل مع طبعا الرئاسة في الجزائر وتخترق كل القوانين الدستورية، وطبعا تستهزئ وتستخف بعقول الشعب، ولهذا ترى الشعب في مقامه الآن قد اتجه نحو حل مشاكله بطريقة منفردة. طبعا لماذا؟ سؤال يطرح، بطريقة منفردة في ظل هذه البحبوحة المالية التي ما زالت الدولة الجزائرية تفتخر بها، فكل هذه الأموال تنهب من كل صوب وحذب، ولا يجد يعني بسطاء ومتوسط الدخل غير الخوض في جمع الغنائم في إطار غياب الساحة السياسية طبعا. وكذلك زيادة عن ذلك يتجهون لحل مشاكلهم يعني عن طريق التفرد بالحل الفردي، ويتجهون إلى كل ما سمح به هذه أو سمحت به هذه العصابة من بيزنس ورشوة و إلى غير ذلك. وطبعا من ردود الفعل اليائسة من السياسة والرئاسة، الشعب ترك الحبل عن الغارب السياسيين الذين يظنون أنهم سياسيين ويظنون أنهم من المعارضة، أي أولئك الذين يعني يتقاتتون على الفعل السياسي الذي يفيد يعني الفعل التجاري طبعا. فكل سياسي الآن وأغلبية السياسيين في الجزائر، وأنا أقولها بكل صراحة، يتاجرون بطريقتهم الخاصة، والتحرك إلا بما مقابل. فكيف أنا أطرح السؤال عن هذه المعارضة التي تطلب من هذه العصابة أو النظام الغير شرعي أن يساعدها على تغيير نفسه، وهذا مستحيل. ولهذا هذه المبادرات التي تقوم بها المعارضة أو الأحزاب لن تدخل في قطاع المصداقية الشعبية. وزيادة ما قلنا من قبل، لا يمكن أن تجد مؤسسة غير منبوءة، العتان الفيروس عتان الماكسيموم. ولهذا رجل الشارع لا يرى في أي سياسي في ظل هذا الحكم والحكم الغير شرعي الحكم الفاسد مشروع حل أو حتى بصيص أمل، بل يرى في العمل السياسي وفي الرجل السياسي الحالي، وأقولها وأرددها، المصلحي الانتهازي والوصولي، وخاصة أنه يرى كيف أن ممثل الشعب أو أصحاب البرلمان يستخفون بالشعب كما قال الدكتور معيد من قبل، يأكل مع الراعي ويسخط مع الديب. هذه طبعا في إطار الأوضاع السياسية التي تسير بها الساحة، وطبعا مفبركة من طرف أشخاص الذين يستغلوا نقطة الضعف وأنا لا أنا لا أخاف من النظام، أنا ما أخاف منه هو طبعا ما وراء النظام من هؤلاء الشياطين وهؤلاء الانتهازيين والوصوليين، وطبعا الوسائل التي استعملوها من من من إعلام مأجور، من إعلام مضلل، من رجال أعمال الذين يعملون لمصالح خارجية. وهذا ما يجري الآن في عين صالح فيما يخص استعمال واستغلال الغاز الصخري. ليس ليس ليس الدولة الجزائرية أو طبعا هذا النظام، هو يعمل لإطار شركات أجنبية، والكل يعرف من يتحكم في استغلال الغاز الصخري. والناس قد نشرت على سواء على الصحف أو على الإعلام المكتوب أو على القنوات الخارجية أو على التواصل الاجتماعي أن هذه الشركات الأجنبية التي تهيمن على الاقتصاد الجزائري، وخاصة يعني الذم النابض في في عروق الاقتصاد الجزائري، ألا وهو طبعا الذهب الأسود، طبعا بكل تعمل بكل قوتها لتعمل للتحكم في هذا واستغلال هذه الثروة التي هي ملك للشعب. وطبعا لابد على الشعب، لا يكون هناك يعني دولة قوية إلا إذا كان شعب قوي. مع الأسف ما يوجد في الجزائر في الناحية السياسية هو طبعا كثيرون حول السلطة وقليلون حول الوطن. ولهذا السبب لابد على الشعب الجزائري أن يتذكر من أين أتى وإلى أين يذهب. فرنسا الاستعمارية استعملت سياسة الأرض المحروقة، أما هذه العصابة الحاكمة في الجزائر فهي تستعمل سياسة التخويف والتخدير وتكسير العلاقة بين النخبة وشعبها، بين النخبة والجزائرية. C'est vrai, القضية هذه تاع النخبة والعلاقة مع الشعب قلتها. Je pense qu'il faudra qu'on revienne après sur ce type de sujet. À mon avis, c'est important. Je voulais juste dire bienvenue à Amel. مرحبا بك الأخت أمل. أمل، si tu nous entends. الأخت أمل من ألجي normalement. Est-ce que tu m'entends? Nous on t'entend pas. Hein. Je sais pas si une tiara qui te smaye fina, mais احنا on t'entend plus. Alors on la capte pas. Je voulais juste, parce que là je la vois, elle est connectée, mais bon, c'est pas grave. Ça passe Amel? Non. Donc c'est pas grave. C'est-à-dire sur le sujet, moi j'allais lui poser la question pour continuer la discussion. En fait, justement sur le sujet avec Aïn Salah. Que je ne voulais pas intervenir, c'est uniquement juste pour écouter. Voilà. Ah ouais, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Merci Amel, il n'y a pas de problème. Justement, moi, je voulais juste poser la question sur comment ça s'appelle, sur le mouvement Hadaf Sahara, et on a vu comment ils ont pu s'organiser. Moi, je me pose la question comme ça, en fait. Est-ce que ce n'est pas un exemple, et on l'a vu, yani, on l'a lu dans le communiqué du CCD, je pense qu'on le perçoit un peu comme ça en interne, mais je pense que ça serait bien d'expliquer. C'est-à-dire que ce qui se passe au Sahara, on a vu Belli qui fait Nas, yani, Tahdou, et ils se sont rassemblés derrière un appel qui est clair, qui est vital pour eux, et qui est bien, qui m'est exprimé, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est évident. Et les gens, finalement, c'est ce que disait Dr Maïs, yani, à mon avis, ça rejoint ça, c'est-à-dire que les gens, ils ont la conscience, et ils savent quels sont leurs problèmes, ils savent qu'il y a des risques tels, même sur le plan politique, ils connaissent les risques que vit notre pays, notamment, c'est-à-dire ces dernières années où ça peut exploser à n'importe quel moment, et ils peuvent aussi s'organiser, on l'a vu chez les gens de Aïn Salah et les gens du sud, d'autres villes qui les ont rejoints et tout, et les gens peuvent s'organiser aussi. Ils nous ont donné un exemple du comment en fait les Algériens, finalement, ils peuvent aussi. Arrivera le moment, il faut effectivement pousser le wai de plus en plus, il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui soient conscients, qui soient avertis par rapport aux vrais enjeux, pas les enjeux que nous imposent les médias et tout, aux vrais enjeux. Si on avance vers ça, on peut effectivement, je pense qu'on peut rester optimiste, et dire que les Algériens, finalement, ce n'est qu'une question de temps. Ils peuvent s'organiser, ils peuvent être pacifiques, ils peuvent formuler leurs choses comme il faut, et on peut le supposer. Ou là, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux événements qui se produisent dans le Sud? À ce propos, si vous pouvez, si vous permettez. Allez-y. On a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite mission, trois personnes du CCD auprès de la population de Ensalah. Et je peux vous assurer que ce que nous avons vu là-bas nous avait vraiment fait chaud au cœur. Nous avons vu une population très consciente des enjeux. Des enjeux de demain, pas d'aujourd'hui. À partir du moment où ils vous disent, nous n'avons pas besoin de développement aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est que la région reste saine. L'eau, qui est la véritable richesse pour notre région et même pour l'Algérie, ne soit pas polluée. Donc c'est des gens qui ont une vision d'avenir, mais surtout c'est des gens qui ont compris que le combat n'est plus dans le discours mais dans l'action. Le combat n'est plus dans le discours parce que tout a été dit sur ce système du mauvais au plus mauvais. C'est simple, moi je l'ai dit une fois. Ce système-là, il agit comme un cancer. Et tout le monde sait qu'il n'y a aucune cellule saine dans le cancer. Donc, c'est un système qu'il faut extirper. Pas comme le veut la CNLTD. Faire des aménagements. Donc, cette population a compris que c'est dans la mobilisation qu'ils peuvent influer sur les événements. Et ils sont mobilisés, hommes, femmes, enfants, vieillards, tout le monde sortait tous les jours et tous les jours sur la place Tassomo Dadik et tout le monde était là-bas mobilisé pour un seul et un même objectif, l'Ilraz Sakhri. Ils sont allés même plus loin pour vous dire le degré de conscience qu'ils ont, ces gens-là. Il y a eu plusieurs tentatives de division. Il y en a même du pouvoir central qui sont venus pour essayer de leur faire le coup à la roche, en essayant de ramener quelques-uns des délégués de Ensalah pour les amener à la présidence ou je ne sais pas où, pour dialoguer, pour discuter. Ben, leur réponse a été claire. Celui qui veut dialoguer, celui qui veut discuter, vient ici. Et nous ne reconnaîtrons aucune délégation qui partira négocier là-bas. Ils ont évité le piège et le pouvoir a joué sur ce qu'ils maîtrisent le mieux, c'est-à-dire sur le temps, parce que le pouvoir a les moyens, il a l'argent, il a la patience, il a sa police, il a sa gendarmerie, il a son armée, il a tout pour pouvoir patienter. Mais il se disait que ces gens-là, eh ben, au bout de quelques jours, 15, 20 jours, ils vont se lasser, ou bien ils vont rentrer chez eux. Ils ont même essayé de manipuler, par exemple, ceux qui ont des magasins et qui n'ouvraient pas. Donc il y a eu un manque à gagner, tout ça, de manipuler la population pour les monter les uns contre les uns. Eh bien, ça n'a pas marché. Et quand tout ça n'a pas marché, ils ont sorti leur machine répressive. Parce qu'ils ont vu que toutes les manœuvres qu'ils ont essayées, par le biais du FLN, par le biais du RND, par le biais d'autres partis politiques, par le biais des... Ils ont tout essayé avec cette population. Et nous avons vu de visu, nous avons parlé avec les gens, ils nous ont raconté tout ça. ما تخرجنا المبدا اللي نضل عليه هو لا للغاز الصخري. Ils ont fait un sujet non négociable. Il y a rien à négocier. Donc c'est avec une population déterminée comme ça que l'on peut arriver au changement. Je peux vous assurer, si la population de Ensalah, avec son degré de conscience, était à Alger, ben je peux vous assurer que le changement viendra de sitôt. Malheureusement, à Alger, dans les grandes villes, il y a ce communautarisme, je pourrais dire, de plusieurs façons, pour le communautarisme intellectuel, bien l'arabie ou le kabaïli ou le français, bien chaoui ou le mzabi, bien il y a eu une politique de division que le pouvoir a instauré depuis des années, qui a fait qu'aujourd'hui il est très difficile. Très difficile, c'est vrai, pour les populations du Nord de se regrouper et de former une force. Mais ça va venir. Ça va venir. Je vous dis un exemple tout simple pour voir l'état dans lequel nous sommes arrivés au niveau des populations du Nord. Jamais le pays n'a été... jamais le pouvoir d'achat n'a été aussi calamiteux que ces derniers temps. Les Algériens ne bougent pas. Ne bougent pas. Ils voient que leur niveau de vie est en train de s'essouler, de s'effilocher. Il y a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de mendiants, de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à terminer. Mais ça n'émeut personne. Chacun essaye de trouver une solution à lui-même. Mais ça ne peut pas marcher. Mais, ça ne tiendra pas longtemps, ça. C'est très mauvais signe. Ça ne tiendra pas. Ben, ce que nous craignons, et ce pourquoi le CCD est né, justement, c'est que nous ne voulons pas que le jour où cet Algérien va être dos au mur, et donc il n'aura plus aucun recours, il va avoir recours à la violence. Et c'est ce que nous craignons, c'est ce que nous voulons éviter à ce pays, à ce peuple, pour essayer de lui montrer la voie de la mobilisation pacifique, la voie du changement pacifique qui ne peut passer que par un compromis de toutes les forces politiques et de toutes les forces politiques entre guillemets, je ne parle pas des partis politiques, mais de toutes les forces de la société, indépendamment de leur obédience politique. Il n'y a que cela qui peut sauver aujourd'hui le pays, c'est cette mobilisation pacifique pour changer justement ce rapport de force en faveur du peuple algérien. Inch'Allah, merci beaucoup. En fait, comme le temps il passe très vite, c'est intéressant de parler, on en apprend, j'espère qu'on refera d'autres émissions pour revenir sur ces sujets-là. Et encore une fois, c'est-à-dire ce qui serait intéressant, c'est d'écouter aussi les gens s'ils veulent intervenir. Les portes sont ouvertes. Et puis je voulais, si vous le permettez, Khaouti, est-ce qu'on peut dire juste deux petits mots sur les droits de l'homme, parce que c'était aussi le sujet de notre soirée, sur les droits de l'homme, parce qu'il y a des arrestations, etc. On a vu comment il y a une sorte de répression qui s'est abattue sur les gens. Moi, je dirais, j'observe, je suis, juste les informations de loin, je ne les vis même pas avec les familles, j'imagine que c'est très difficile. Mais rien qu'en suivant comme ça, on énumère déjà beaucoup de gens qui se font arrêter depuis déjà quelques mois, quelques années. Les gens, ils se font arrêter par... ça devient lassant de voir que des jeunes, ils sont embarqués, condamnés, ils passent des mois, des fois en prison et tout, alors que à la base ils ne sont ni violents ni rien du tout. Ils ont des revendications sociales, ils ont des revendications qui sont liées à leur condition de vie et tout. Donc il y a atteinte aux droits de l'homme en bonne et due forme. Et juste un petit mot par rapport aussi. Francis Samir, justement par rapport à cette question-là. Moi, je ne vais pas tenir la langue de bois. Il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a la répression. C'est vrai que c'est un pouvoir qui n'agit que par ce canal. Réprimer, réprimer, réprimer. Mais attention à la manipulation. Nous savons et nous connaissons tous ces gens-là qui étaient soi-disant réprimés, qu'on a mis dans des prisons, mais c'était juste pour leur donner une attestation de démocrate. De crédibilité. Kamel Moudjahedine, des attestations communales. Ben, il y en a certains qui ont soi-disant, entre guillemets, été réprimés, entrés en prison, est sorti avec une attestation de militants des droits de l'homme et de ceci et cela. Il faut faire la part des choses. Très bien, très bien. C'est bien de rappeler ce genre de choses, effectivement. Il y a de vrais militants qui sont réprimés, mais il y a aussi de faux militants qui sont à l'intérieur de ces rouages. Attention. Justement, c'est-à-dire, moi, ça me permet de poser la question dans quelle situation se trouvent les droits de l'homme et le secteur des droits de l'homme en Algérie. Effectivement, on signale toutes sortes de, par exemple, des gens qui utilisent la question des droits de l'homme pour se faire une place, d'autres pour voyager à l'étranger, etc., etc. Moi, des amis militants de la base, ils me signalent ce genre de choses. Et je sais pas, ce que tu es en train de dire, docteur, c'est un peu ça, en fait. Des gens qui utilisent un peu la question des droits de l'homme, mais alors qu'il y a, en réalité, des gens qui se font tabasser et qui ont été... Un pouvoir illégitime, un pouvoir qui n'a pas la force de l'argument, il n'a pas la force de la loi, mais la loi de la force, il ne peut que réprimer les droits de l'homme. C'est la loi de la force que ce pouvoir utilise, et non pas la force de la loi. Donc il ne peut que réprimer tout rassemblement, tout mécontentement, toute revendication, parce qu'il n'a pas d'autre façon de régler les problèmes. Ça m'amène, parce qu'on doit finir, en fait, on va essayer de faire à peu près une heure pour cette émission. Sur ce sujet-là, exactement, et juste un mot, parce que je voulais qu'on annonce quand même, juste en deux mots, l'événement qui va se produire le samedi prochain, et qui est un peu l'idée du CCD, d'organiser un prix Mahmoud Khalili, Maître Khalili, du coup, juste l'occasion de l'annoncer. Mais sinon, Saïd, juste à propos des droits de l'homme, et justement, on finira avec l'information sur le prix qui va être décerné samedi prochain. Khoya Saïd, on t'écoute. Hein. Allô? Oui, Khoya Saïd, on t'entend. Allô? Allez, Khoya Saïd, on t'entend, ouais. Bien. Je vais vous dire que le Mohamed Maïz, أنا من خلال يعني ما من خلال تحليلاتي السؤال يطرح كما يلي هل توجد حقوق الإنسان بدون حقوق المواطنة في الجزائر هذا السؤال ويتميز الوضع الحالي لحقوق الإنسان بالجزائر بالرذاء أنا أقولها وعدم احترام أبسط المبادئ الإنسانية المتفق عليها عالميا فطبعا من خلال تحليلاتي الوضع أصبح مقلق نظرا لوجود عدد لا بأس به من المواطنين والمواطنات الجزائريين داخل السجون لا لشيء لأنهم عبروا عن أرائهم أنا لا أتكلم على الأقلية الانتهازية الذين يغتنمون طبعا ضعف الدولة وضعف النظام الجزائري التغطي بستار حقوق الإنسان لتحقيق مصالحهم هادو ناس لابد أن يكشف أمرهم عاجلا أم آجلا أما ما تكلم عليه تكلم عن حقوق الإنسان في طبعا الأغلبية الساحقة أو الطبقة الشعبية الساحقة يعني فرغم لا اون بونس خويا سعيد اسمح لي نقاطعك هكا فيت في اون بونس الاخوه خنشا اي بي لي كومبانيون تاعهم اي سون اون بريزون لي دو مانيير اربيترير اون بونس على رشيد دعوين كي ميليتون دو لا باز اي كي سانسير اي تو اي كي ايتي امباركي تو سا يا سون كوبان افيك كي سا ديري لي سيت سورغانيزي اي تو اسمو عبد الحميد ابراهيمي كي فيان داتر امباركي اوسي il y a le jeune Hadek Tal, l'autre fois, il a été embarqué aussi, même cybercafé, il a disparu 10 jours. Donc, qu'est-ce que ça? بالفعل كاين هناك مناضلين الذين كما يقول لك اخترقت حقوقهم وقد ذكرت اسماء معروفه لدى الشعب الجزائري ولدى كما يقول لك الشرفاء والمناضلين في اطار الدفاع عن حقوق الانسان سواء في الداخل او في الخارج. فيعني رغم تأسفي على ما قالت إليه الأوضاع ونتكلم على حقوق الإنسان في الجزائر إلا أننا لم يعني ننتظر أحسن من هذا، لأن هذا النظام يعني لا يعترف أساسا بحقوق المواطنة لأفراد الشعب من الجزائريين والجزائريات. فبطبيعة النظام يعني السياسي الجزائري وطبيعة هذا النظام يعني بنيت منذ عام 1962 على مبدأ تقزيم الشعب يعني واعتباره غير راشد وبحاجة إلى وصاية، ولهذا فرضت عليه بالقوة ودها هذه طبعا هذا الاستبداد، ولهذا السبب أصبح الشعب الجزائري أو الفرد الجزائري يعيش تحت الخوف وتحت الرهب وتحت الترعيب لما يعني آلت إليه الأوضاع في أثناء العشرية السوداء. فهذه طبعا سياسة ممنهجة من طرف هؤلاء أو هذه العصابة الحاكمة une bande d'oligarchie militaro-financière qui est en train de gouverner en Algérie hein, sans aucun droit et qui terrorise le peuple algérien, l'individu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Vous voyez ce qui se passe dans les consulats. On est devenus comme des chiens, mon frère. Hein? Où est-ce que le droit, où est-ce qu'il est le droit de nos citoyens à l'intérieur et à l'extérieur de l'Algérie? Moi, j'ai vécu en Algérie, j'ai vécu à l'étranger, et je vois que la situation devient de plus en plus pire en ce qui concerne le droit de l'homme en Algérie et le droit du citoyen algérien. Pour ses droits, il est en train. J'ai vu ici, par exemple, ici au consulat d'Algérie à Londres, et il bat, comment dirais-je, comme des mendiants pour demander des papiers qui c'est leur droit. Alors vous voyez que c'est dans un pays de droit, dans un pays de respect de l'individu, dans un pays là où la personne ou l'individu ou le citoyen ne sera jamais, si vous voulez, abattu par la loi ou l'État ou la loi étatique, il aura toujours son droit. Alors que dès que tu rentres dans des consulats, tu trouves le fléau ou les virus qui viennent de l'Algérie dans un pays comme la Grande-Bretagne ou comme la France. Voilà. Très bien. Merci. Ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter. Merci. والسبب يعني حقوق الإنسان عندنا يعني بكل صراحة تذكرني بممارسات الفراعنة الذين كانوا يتحركون يعني يحتكرون حق المواطنة في طبعا الحضارة المصرية. فكذلك هناك بعض الأمثلة مثل يأخذنا يعني المثال إلى فرنسا مقابل ثورة عام 1789، فأيامها كانت حقوق الإنسان تعاني، لكن طبعا السياسة التي اتخذها الجمهورية الفرنسية والآن الجمهورية الخامسة Cinquième République, les choses ils ont changé. En Algérie, c'est une administration qu'on a hérité de la France. Malheureusement, on l'a développée en ce qui concerne bien sûr les droits de l'homme dans le sens contraire. C'est dans le sens de terreur de notre peuple par nos propres dirigeants qui ne sont même pas des Algériens. Et ça, je le redis, bien sûr. C'est avec joie et avec fierté que je dis que j'appartiens, je suis un Algérien et un Algérien de tous les temps et de tous les cieux. Ces gens-là, ce ne sont pas des Algériens, et je dis ça, c'est un appel, c'est un message que je lance bien sûr à mon peuple. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roya Saïd. En fait, comme je disais, on essaye de faire une émission d'une heure. Là, on a atteint une heure. Je voulais quand même peut-être passer la parole aussi à Dr Maïs pour un dernier mot à propos en fait du prix Mahmoud Khalili Larhmou qui a été mis en place, une idée du CCD, juste pour l'annoncer en fait si ça peut intéresser des gens. Et je pense qu'on essaiera d'organiser d'autres émissions pour expliquer le prix et sa symbolique. Docteur Maïs, un petit mot à propos du prix. Oui, exactement. Ça fait un moment que nous avons pensé justement pour justement faire connaître ce grand homme des droits de l'homme, ce grand militant des droits de l'homme, qui a pratiquement passé toute sa vie à défendre justement toutes les injustices et toutes les atteintes aux droits de l'homme, et qui malheureusement a été oublié, a été pratiquement ignoré. Donc c'est pour justement rendre un hommage à ce grand militant que nous avons institué ce prix Mahmoud Khaliri, que nous allons décerner on ne sait pas maintenant, on verra. Ça sera annoncé, c'est ça. Il y a une commission qui s'occupe de ça, donc samedi, inchallah, nous saurons à qui il sera décerné. Mm-hmm. Et c'est la première fois, hein, donc même si ça va se faire d'une manière pas d'une manière faste. C'est entre nous. Nous avons invité d'anciens militants, des révolutionnaires, des militants des droits de l'homme, des personnalités qui vont nous faire l'honneur justement d'être présents avec nous. Et donc ça sera aussi, hein. Ça sera la première fois. L'année prochaine peut-être on fera mieux et ainsi de suite. C'est pour justement honorer la mémoire de ce grand homme qui a fait beaucoup pour les droits de l'homme. Très bien, ouais, Mujahed, et puis qui... Mujahed, de la Wilaya 4, exactement. Et qui maintenant, la plupart des jeunes, notamment beaucoup de militants qu'on connaît, qui ne savent pas qui est... Ne le connaissent pas, voilà, c'est dommage, pour nous, c'est comme dommage. Ça. C'est justement, c'est pour ça que nous voulons, nous avons instauré ce prix, justement, c'est pour le faire connaître aux générations actuelles et de ceux qui vont venir, parce que c'est un homme qui mérite d'avoir une place dans l'histoire des combattants pour les libertés et les droits de l'homme. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Roy Saïd aussi, je te remercie infiniment pour ta participation, pour les explications. De nous avoir donné cette chance de participer avec vous, bien sûr. Merci beaucoup. Je pense qu'il va y avoir d'autres émissions. De toute façon, tous les mercredis soirs, Inch'Allah, on essaiera d'organiser un débat. Les militants du CCD, les sympathisants, les Algériens, même s'ils ne sont pas militants, même s'ils sont intéressés par le débat, ils peuvent intervenir, ils peuvent nous appeler. Pendant l'émission, ils peuvent appeler via Skype. Venez sur le site CCD. Algérie.org, ccdalgérie.org, vous allez trouver la web radio pour écouter nos émissions, les précédentes émissions. Vous pouvez nous contacter, nous poser vos questions et participer au débat si vous voulez. Encore une fois, merci beaucoup aux invités qui ont participé ce soir. Et je vous dis à mercredi prochain sur la radio du changement. Idaat Tahir, Idaat le Mu'tamar Mil Ajl Tahir et Démocratie. Salam alaikum. Merci, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. ألا وهي كل من خول له نظام لخوض الحياة السياسية في الجزائر فقد سقطت شرعيته في الأوساط الشعبية. أنا لا أتكلم ولا أريد. لقد لاحظت من خلال هذا الحوار أني لم أتكلم ولم أنطق على